Allô, je suis bien chez Laure Rouillac? Oui, c'est bien moi. Qui est à l'appareil? Ici Élodie de Est Radio. Vous avez demandé à participer à notre émission du samedi à l'écoute de votre quotidien. Vous êtes disponible? Oui, oui. Alors je vous passe Stéphane, l'animateur. Bonjour Laure. Vous êtes notre première auditrice. Vous nous appelez d'où? Bonjour Stéphane. De Belfort. J'habite à Belfort, mais je travaille à Bâle, en Suisse. Et qu'est-ce que vous faites comme travail? Je suis dans le secteur de la biotechnologie. Laure, racontez-nous une de vos journées. Eh bien, je me lève en général très tôt, vers 6 heures. Je pars de chez moi à 7 heures. Tous les jours? Presque. Le mercredi soir, je dors à Bâle, chez ma fille aînée. Comment voyagez-vous? Habituellement en train, en TGV. Et vous déjeunez où? Nous avons un petit restaurant d'entreprise. Parfois aussi dans mon bureau, avec mes collègues, quand nous avons des réunions l'après-midi. Comme ça, nous ne perdons pas de temps. Vous sortez souvent le soir? Oh non! Je sors quelquefois le week-end avec mon mari. Mais en semaine, normalement, nous restons à la maison. Je lis, on regarde la télévision. Votre vie est un peu compliquée, non? Un peu, mais elle est passionnante. Et puis, mes deux enfants sont grands. Eh bien, merci, Laure. Et bon week-end.